piano di picci. Mélodie si dense, attention à s'y prendre. Ta vie change si rapidement, t'es ravissant. De rendre compte pour toi, la lune est un mensonge. Sans cesse, tu réclames ta rançon. Tes parents sont garants, sans être effarants. Rien à foutre, ça t'arrange bien. Au final, t'es mal en point, t'es mal en train. Quand il s'agit de fiesta folle dingue, mais toi, t'as qu'un rôle deg. Fausse terre, trop telle, grosse tête avec des gros textes. Elle est fausse, mec. Alors, quel côté prendre en permanence, sachant ce que mon père m'annonce. Moi, je pense qu'avec les galères, t'avances. Mais merde, pour un salaire canon, j'ai pas les bras longs, toujours paré à rompre. T'as pas compris, je veux juste regarder ma tombe. Trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle. Beaucoup trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle. Jamais de bonnes décisions, jamais. Les gens te donnent des frissons, tu te sens en perdition. Et soigné aux partitions, à la recherche de lumière marre. Des nuits noires, goudron moi. Depuis je vois partout de l'ombre, éparpille les défauts, dégarni des réglos. Je reste à couvert et abrite mes égos. Félicitations aux reproches et les étonnés à l'assimilation de valeurs propres. On les entend attirer la rigot sans intégrer plus que la trigo. On arrive au point où faut laisser faire, voir l'effort et comment aider le diesel, déployer ses ailes et spot pour garder ses plumes. J'étais dans ma bulle maintenant, dans une marée d'écume. Année début, je vais marquer début d'un rêve, mais j'suis pas débile. Trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais, mais j'doute que la paix s'en mêle. Beaucoup trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle. Mes pires délires, j'ai si souvent écrit. J'ai vidé les réitères. Mais c'est comme un pédophile à sa sortie de prison. Des tentations horribles, ils sont présentes. C'est de la démence, l'échange de bonnes intentions. Tu parles, je vois qu'une gîte en pleine ascension. Principalement quand ça sent bon. Puis ça s'embrouille, c'est la s'encrouille-toi. De changer de lifestyle, même si t'as toujours à graille quand la main style. T'es déçu comme la manshaft. Toi c'est les bitons, pas les ballons que les manes chassent. Ce qui émane à chaque fois te pousse à gratter l'ardoise. Parfois à marre des marasmes qui en pousse d'autres au sarcasme. Alors je m'arrache avec ma rage avant mon arcane. Beaucoup trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle. Beaucoup trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle. Trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle. Trop de choses à faire, mon frère. Le doute se ramène sans cesse. Tu goûtes ta vie pleine d'engrais. Mais je doute que la paix s'en mêle.